Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus est conduit au calvaire par ses bourreaux. La plus vile populace le suit. Il s'avance péniblement et bientôt il tombe sous le faix de la croix. Mais qu'est-ce qui cause la chute de Jésus? Est-ce la sueur de sang en son agonie qui l'a épuisé? Sont-ce les tourments de la nuit chez Anne et chez Caïphe? Est-ce le supplice inhumain de la flagellation et du couronnement d'épines? Non, l'affaissement de l'humanité, hypostatiquement unie au Verbe de Dieu, trouve ailleurs que dans les mots physiques sa véritable explication. Jésus tombe dès son entrée dans la voie du calvaire. Il tombe pour relever l'intelligence humaine, dégradée par le péché originel. Ce qui l'accable en ce moment, ce sont nos péchés d'ignorance. En goûtant le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, Adam n'a pas seulement perdu pour lui et pour toute sa race la sainteté, la justice et tous les dons surnaturels dont la nature humaine avait été gratuitement enrichie. Il a encore blessé l'homme jusque dans ses facultés. Son entendement est obscurci, aveuglé. Il n'a plus la même aptitude à recevoir, à comprendre, à goûter les vérités surnaturelles. En punition du péché originel, l'homme mérite d'être privé des lumières divines qui devaient lui montrer le chemin du ciel. Naturellement, il est plongé dans les ombres de la mort. Méconnaissant son origine et sa fin, il se laisse emporter par tout vent de doctrine. Il va d'erreur en erreur, épaississant ses ténèbres, et fuyant de plus en plus l'éclat de la vérité. Voilà le mal dont le Verbe fait chair a pris sur soi la peine, et qu'il veut expier. Est-il surprenant qu'il s'affaisse sous le poids? Ô Jésus, sagesse éternelle, c'est donc sur vous que pèsent mes erreurs, mes illusions, mon ignorance, mon aveuglement, mon oubli de Dieu et des choses de Dieu, ma confiance en ma fausse sagesse. Parce que j'aime mes ténèbres, que je fuis la vérité, il faut que vous, ô Verbe divin, vous tombiez sous le fardeau de ma croix. Ô soleil de justice, ô rayon de l'éternelle vérité, qui éclairait tout homme venant en ce monde, qui seul pouvait luire dans les ténèbres, illuminez mon intelligence en lui communiquant votre lumière. Dissipez mes illusions, guérissez mon incrédulité. Soyez à jamais l'unique maître dont j'écoute les enseignements divins. Hélas, mes yeux malades ne peuvent point encore, il est vrai, supporter l'éclat des vérités éternelles. Mais, ô Jésus, tempérez-en pour moi la splendeur, couvrez-les du voile de la foi, afin que, par cette obscurité miséricordieuse, elles puissent s'insinuer dans mon âme. Non, ô mon divin maître, je n'ai pas besoin de comprendre pour donner mon assentiment aux sublimes et mystérieux enseignements que vous êtes venu apporter au monde. Je les crois d'esprit et de cœur avec une inébranlable conviction, parce que c'est vous, Dieu de vérité, qui les avez révélés. Vous avez parlé, votre autorité me suffit. Je ne puis douter ni de votre science, ni de votre véracité. Je vous adore donc par l'humble et complète soumission de ma raison à votre sainte parole. Je veux la prendre pour la règle souveraine de mes pensées, pour le mobile et l'âme de toutes mes actions. Je vous rends grâce de ce que vous avez daigné m'instruire vous-même, et me faire connaître votre être adorable, vos bienfaits, votre amour, ma misère, mes devoirs et les moyens de parvenir à la félicité suprême pour laquelle j'ai été créé. Ô Jésus, fécondez maintenant en moi la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, et que vous m'avez donnée gratuitement. Quel soit le principe de mon salut, le fondement et la racine de ma justification, puisse-t-elle devenir pour moi une source intarissable de vie, de mérite et de gloire pour l'éternité. Dire un Notre Père et un Je vous salue Marie. Mère Sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours, comme dès le commencement et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent ainsi, reposent en paix, ainsi soit-il. Les chantres, qui pourrait, sans se contrister, contemplait cette tendre mère souffrante avec son fils. Le peuple. Mère sainte, accordez-moi cette grâce. Imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié.